Émission numéro 18 du 26 mars 2010. Bonjour et bienvenue à cette émission du podcast du volet audio des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Avant tout, je vous rappelle que les premières émissions de notre podcast ne sont plus disponibles via le site du podcast sur Podomatic. Elles ne sont toutefois pas perdues pour autant. Elles sont placées en archive par manque d'espace et vous pouvez les télécharger directement sur l'avenirpodcast.canalblog.com. Le lien est disponible sur notre blog et sur le site du podcast. Du côté du blog, à l'avenir-audio.canalblog.com, mise en ligne hier du colossal chapitre 27 de « Le mystère de la chambre jaune » ainsi qu'une surprise. Copier-coller de « Aquilegia Nox », une petite nouvelle de SF réalisée par Jay pour les éditions de l'avenir. La semaine dernière, nous avons laissé Mazas et ses amis dans de bien mauvais draps. Des policiers viennent de les découvrir sous les cages des animaux exotiques du zoo volant de Sendorf. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série, numéro 4. Chapitre 6. Baalol et l'Antilan. Merde, anéanti. Même marmonné entre ses dents, son exclamation n'avait pas échappé au prêtre soldat. Celui-ci esquissa un semblant de sourire triomphant avant d'énoncer d'un ton suave: Mille gournals pour vous servir. Je dois avouer que vous avez bien fait courir, mais vous voyez, en définitive, on a quand même fini par vous attraper. La jeune femme négligea de lui répondre, se contentant de hausser les épaules d'un air dédaigneux. Son geste eut le don de froisser son interlocuteur, qui aboya d'une voix hargneuse: « Vous serez moins fier quand le vénéré Chorgal vous aura interrogé. Il se fera un plaisir de vous presser comme un citron, et après, il ne restera plus de vous qu'une enveloppe vide qu'on enverra peut-être dans un camp pour servir au délassement des hommes. » Pour le coup, elle l'ignora totalement, et entreprit de jeter lentement un coup d'œil autour d'elle. Ses compagnons se tenaient dans l'allée formée par les deux rangées de cages, sous la menace de quatre policiers en tenue de combat. Leur air sombre et abattu prouvait à l'évidence qu'ils n'envisageaient pas d'avenir brillant dans l'immédiat. Mazas les gratifia d'un sourire d'encouragement avant de reporter son regard à l'avant du véhicule où se tenaient Lanty et un policier, ainsi que Sandorf, étrangement amorphe, et Arx, écroulé contre le chambranle de la porte menant au poste de pilotage. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Comme vous ne devez pas l'ignorer, notre puissance psychique fera de nous un jour les véritables maîtres de la galaxie. Alors, que voulez-vous que puisse faire un humain et un sous-être contre les forces que j'ai utilisées contre eux? L'un m'a gentiment dit que vous étiez à son bord et où vous étiez caché. Et l'autre a été tout simplement foudroyé. La jeune femme hocha la tête, pleine de dégoût envers la suffisance et le cynisme de son interlocuteur. Elle se força cependant à continuer. Comment avez-vous été amené à soupçonner Sandorf? Oh, c'est très simple. Depuis que nous avons capturé et fait parler l'agent de la section 3 qu'il avait chargé d'informer l'Empire de nos menées sur les mondes indépendants, nous savons que le chasseur est un agent de l'OMU et nous l'avons à l'œil. Nous aurions pu l'arrêter, mais nous avons préféré lui laisser la bride sur le cou en le surveillant de loin. Il ne s'est douté de rien, mais notre stratégie et notre patience ont fini par être couronnées de succès, puisqu'il nous a permis de vous capturer. Bien joué, reconnut la Carsacienne, dont le cerveau bouillait à force de chercher une solution qui leur permettrait d'échapper à ce piège. Mais aucune idée lumineuse ne jaillissait. À présent, nous allons quitter ce zoo ambulant et rejoindre notre vaisseau. Qu'allez-vous faire de tous les animaux? Rien. Quand nous relâcherons les grappins magnétiques, le véhicule plongera vers le sol et il s'écrasera. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah non? Et pourquoi donc? Vous faites partie de la société protectrice des animaux? Vous êtes infâme. Mulgunahal se contenta de rire avant de faire signe à ses sbires. Ceux-ci, du canon de leur arme, dirigèrent les prisonniers vers le sas de sortie. Mazas arriva à la hauteur de Lanty qui, d'un geste ironique, l'invita à passer devant lui. La jeune femme le toisa d'un air méprisant et emboîta le pas à Sandorf, toujours aussi apathique. Elle s'arrêta devant le corps affalé de l'antilan, dont plusieurs pseudopodes étaient agités de mouvements spasmodiques. Qu'allez-vous faire, Darx? Rien. Il reste ici. Mais c'est un être intelligent. Vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça. Ça suffit. Taisez-vous et avancez. Après un dernier regard apitoyé à l'infortuné octopode, elle obtempéra à contre-cœur. Au moment où ils allaient pénétrer dans la section tubulaire qui reliait les deux engins, un sifflement strident retentit à l'arrière. Avec un ensemble parfait, gardes et prisonniers se retournèrent. Arx, fermement campé sur trois de ses membres, agitait les cinq autres à toute vitesse. Soudain, des éclairs et un tir radiant en jaillirent. Lanty et trois de ses hommes s'écroulèrent en portant les mains à leur gorge. Ses réflexes de guerrière permirent à Mazas de réagir instantanément. De son bras gauche, elle détourna l'arme du quatrième policier qui la menaçait directement et, simultanément, elle le frappa à la base du nez, du plat de sa main droite durci par son entraînement aux arts martiaux. Oh! Tandis qu'il s'affaissait, foudroyé par le coup, elle récupéra au vol le désintégrateur qu'elle abattit à la volée, au travers du visage du dernier garde, qui fut propulsé dans les bras de Steve, qui n'en demandait pas tant. Un craquement sinistre ponctua la prise mortelle que le pilote lui appliqua au niveau des cervicales. Comme il le laissait tomber à terre, il vit Mazas braquer son arme sur les corps étendus. Mais il n'y avait plus rien à craindre d'eux. Tandis qu'elle se penchait sur le corps du prêtre-soldat, qui regardait avec un étonnement horrifié ses doigts rougis de sang, elle perçut le mouvement rapide de l'antilan qui se précipitait dans le tube de jonction pour rejoindre le vaisseau de police. « Occupez-vous d'eux !» lança-t-elle à ses amis. Puis, elle se redressa et courut derrière leur sauveteur, accompagnée de Goral, qui abandonna ses deux compagnons, les laissant seuls en présence de leurs adversaires vaincus. Quand elle déboucha dans le sas d'entrée, elle buta sur un corps étendu et aperçut Arx qui disparaissait dans le couloir menant au poste de commandement de l'engin sphérique. « Vite, suis-moi !» Lorsqu'ils parvinrent dans le poste central, l'Antilan tenait les deux pilotes de l'aéronef sous la menace d'un radiant. Les malheureux n'emmenaient pas large, et Mazas craignit aussitôt pour leur vie. Elle s'approcha donc d'Arx, dont elle détourna l'arme d'une main ferme et avec un sourire d'excuse. L'octopode remit à regret l'arme dans sa ceinture, en marmonnant d'une voix inintelligible. Visiblement, ils regrettaient de n'avoir pu mener à terme la destruction de tous leurs ennemis. La jeune femme entreprit de dégeler l'atmosphère, et elle le remercia chaleureusement de son intervention efficace contre Mulgunahal et ses sbires, tout en s'étonnant. « Mais comment as-tu fait pour échapper à l'emprise de l'Anti ?» Le bruit de crécelle qui lui servait de rire s'éleva. « Anti ne savait pas que le cerveau d'Arx n'était pas chargé de son pouvoir. »« Alors tu as simulé ?»« Consciente du fait que son intervention leur avait certainement sauvé la vie, ou pire, car les méthodes d'interrogatoire laissaient bien souvent les prévenus à l'état de légumes, Mazas lui passa affectueusement le bras autour du corps en lui disant « T'es un sacré bonhomme !» Elle eut l'impression de voir les multiples yeux de l'octopode briller avec ironie, et l'un de ses membres souples et musculeux lui effleura brièvement l'épaule en une sorte de caresse amicale. Pendant ce temps, Goral avait utilisé les propres menottes magnétiques des deux policiers pour les entraver. L'essayide de Mulgunahal n'avait pas esquissé le moindre geste de défense. Il savait pertinemment que sans la venue de la jeune femme, ils auraient été abattus sans autre forme de procès par l'Antilan. Aussi, se laissèrent-ils enfermer sans réagir dans une cabine où ils furent attachés sur une couchette. Étant maîtres du vaisseau, ils retournèrent tous les trois dans le véhicule de Sandorf. Le chasseur était sorti de sa transe. Il était assis contre une des cloisons, la tête entre les mains. Steve et Corton étaient debout près des cadavres qui jonchaient le sol. Ils sont tous morts, à part lui. Et il n'en a certainement plus pour longtemps, indiqua le pilote en désignant Mulgunahal. Mazas s'accroupit près du corps du prêtre-soldat et desserra la main qui se crispait sur l'étoile d'acier qui lui avait perforé la gorge. Instinctivement, elle eut une pensée admirative pour l'adresse étonnante de l'Antilan qui avait réussi l'exploit d'expédier simultanément quatre de ses armes de jet avec une précision mortelle, tout en se servant d'un radiant pour obliger l'Anti à utiliser ses pouvoirs contre le rayonnement de l'arme, le laissant ainsi sans défense contre un vulgaire bout de métal. Elle souleva la tête du mourant, dont les yeux, qui commençaient à se ternir, continuaient à exprimer une surprise incrédule. Comment ? Alors qu'il était invulnérable aux décharges d'un radiant, pouvait-il avoir été frappé à mort par un sous-être ? Malgré tous vos dons, une arme blanche ou une antique pétoire sont suffisantes pour vous éliminer. Dans le cas présent, il aurait pourtant suffi d'une combinaison de combats pour vous sauver la vie, lui expliqua la jeune femme. Un rictus désabusé étira ses lèvres minces. Il tenta de parler. Mazas approcha son oreille de sa bouche. Elle perçut. Tué par un sous-être armé de morceaux de ferraille. Ce n'est pas possible. Puis son corps s'arqua dans un dernier mouvement convulsif et sa tête retomba sur le côté. Bon débarras, ça en fera toujours un de moins. Se contenta de marmonner Corton en guise de raison funèbre. Mazas reposa le corps sur le sol et suggéra. Il serait peut-être bon que l'un de vous aille prendre les commandes de l'engin de ces messieurs. Je n'aimerais pas que nous ayons des visiteurs mal intentionnés alors qu'il n'y a plus personne dans le poste de pilotage. Tu as raison. On y va. Tandis que les deux amis s'empressaient vers l'astronef dont ils s'étaient rendus maîtres, la Karzassienne s'intéressa à Sandorf, toujours un peu hébété, soutenu par Axe qui lui massait la nuque avec l'extrémité d'un de ses tentacules. Le chasseur remercia l'Antilan d'une tape amicale sur le sommet du crâne et se redressa avec un rictus de douleur. Il avait l'impression que l'ensemble des cloches de Notre-Dame carillonnaient à toute volée à l'intérieur de son crâne et que ses yeux cherchaient à s'enfoncer dans leurs orbites. « Wouhou ! J'ai l'impression d'être éparpillé et brisé en petits morceaux !»« Tu étais sous le pouvoir hypnotique de l'Anti et quand il est mort, la rupture a été trop brutale. Dans quelques minutes, cela ira mieux. » De fait, quelques instants plus tard, il se sentit beaucoup mieux et il put aussitôt faire le point de leur situation avec Mazas. « On est plutôt mal parti. » Si ce Mulgonal nous a raisonnés, ses supérieurs sont forcément au courant. Dans peu de temps, ils vont s'inquiéter de ne pas avoir de ces nouvelles et déclencher des recherches. Je pense donc que nous n'avons que quelques minutes pour tenter de nous fondre dans la nature. Tu as raison. Comment envisages-tu les choses? On dépose mon zoo-volant dans un coin désertique qui permettra que les bêtes soient sauvées. Et on profite du vaisseau que nous avons piraté pour essayer de filer vers Coriolan 2. Là-bas, je suis dans mon élément. Et je nous trouverai une planque en attendant que nous puissions quitter ce système solaire. Encore faut-il y parvenir sans encombre. Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Goral s'informa. Que fait-on des cadavres? Est-ce qu'on les laisse ici? Non, on les embarque sur le vaisseau et on les éjectera dans l'espace lorsque nous serons suffisamment loin de Coriolan 5. Comme cela, nos adversaires auront toujours un doute en ce qui les concerne. Et cela pourrait peut-être constituer un petit avantage pour nous au cours de notre fuite. Rapidement, les six corps furent transportés dans le sas du vaisseau où ils rejoignirent le policier abattu par Axe quand il s'était précipité à bord. Un rapide nettoyage pour effacer les traces de sang, et Mazas suggéra « On pourrait régler les anti-jets de ton engin de manière à ce qu'ils descendent lentement et se posent sans casse. On installerait une balise qui permettrait sa détection. Cela nous ferait gagner quelques instants précieux, et je crois que nous allons en avoir besoin. » « Tu as raison, je m'en occupe avec Arx. Dans 5 minutes, tout sera en ordre. Montez à bord du vaisseau. On vous rejoint dès que nous sommes prêts. » Il leur fallut moins que cela pour les retrouver dans le poste central. Steve et Corton avaient tout naturellement pris des places de pilote et copilote, tandis que Mazas et Goral se tenaient à la centrale de tir et à l'hypercom. Ils s'installèrent sur des sièges vides, et c'est avec une certaine curiosité que les ex-passagers du cœur de Faumalo observèrent la façon dont l'antilan utilisait des ceintures de sécurité. Mais ils furent déçus dans leur attente, car l'octopode se contenta de boucler une sangle autour de sa taille et d'empoigner fermement les accoudoirs du fauteuil à l'aide de 4 de ses pseudopodes. Le nouveau commandant de bord de la nef sphérique demanda « Tout le monde est prêt? Je peux désactiver les grappins magnétiques ?»« Oui, c'est bon. » Le jeune homme releva la manette appropriée et rétracta le manchon tubulaire qui reliait les deux appareils. Un léger balancement indiqua que les deux engins s'étaient désaccouplés, et le vaisseau spatial bondit aussitôt dans les airs. Chapitre 6, deuxième partie. Les fugitifs avaient atteint une vitesse égale au quart de la vitesse de la lumière et fonçaient en direction de Coriolan 2 en effectuant le tour du Soleil, tout en s'en approchant suffisamment afin d'utiliser les émissions de gaz et d'atomes lourds pour brouiller les appareils de détection de leurs poursuivants éventuels. C'est peut-être le moment de nous débarrasser des corps. Effectivement. Sandorf a raison. Tu viens avec moi, Goral? Les deux agents de l'OMU s'extirpèrent de leur siège contour et quittèrent le poste central. Parvenus dans le sas où avaient été abandonnés les 7 corps, ils les regroupèrent devant l'ouverture donnant sur le vide, puis ils rejoignirent le couloir après avoir fermé hermétiquement la porte étanche. Mazas déverrouilla alors le petit coffret mural protégeant la manette débloquant le système de fermeture et l'abaissa. Le panneau isolant le sas de l'espace extérieur glissa vers le haut. L'air contenu dans la petite pièce ainsi que les cadavres des policiers et de l'anti furent éjectés violemment. Le système de Coriolan comporte à présent quelques satellites supplémentaires. Se contenta de dire Goral, tandis que la jeune femme refermait la porte et remettait de l'air dans la chambre à vide. Ils rejoignirent leurs compagnons. Steve arborait un profond pli de contrariété au milieu du front. Que se passe-t-il? Les copains de Mulgonal n'arrêtent pas d'appeler. J'espérais qu'ils attendraient encore un peu, mais c'est raté.